finir étranglé comme un personnage de Zola. Par Hermiste, ancien ouvrier, licencié de l'usine à papa. Ce riche, t'as jamais souffert de ta vie. Plus le propre et le fruit, tes idées sont de le moitié. Fils à papa, fils à papa, fils à papa.